Bonsoir. C'est un noir en avant, ceux qui nous voient mal. Ben, moi, j'interview, lui répond. La conférence de ce soir, je vais vous dire le titre, ce sera là. Réincarnation, résurrection. C'est à soi? Oui. C'est ce soir qu'on se réincarne ou qu'on va ressusciter pour ceux qui sont morts. Je ne poserai pas la question traditionnelle. Quelle est la différence entre la réincarnation et la résurrection? Alors, je ne répondrai pas. On va t'en poser une autre. Quelle est la différence entre la réincarnation et l'incarnation? Carne, en espagnol, ça veut dire viande. Incarnation veut donc dire pénétrer la viande. Réincarnation veut dire recommencer à pénétrer la viande. Et résurrection veut dire ressusciter de nouveau la viande. Conférence appétissante, c'est ça? Quand on parle de carnivore, ça mange la viande. Donc, carné veut dire viande. Dans un terme plus spirituel, on ne dira pas viande, on va dire chair. C'est mieux. Alors, incarner, c'est pénétrer la chair. Réincarner, c'est recommencer à nouveau à pénétrer la chair. Et ressusciter, c'est ressusciter en réalité. Donc, susciter de nouveau la chair. L'incarnation, c'est l'événement qui permet à de l'énergie, qui permet à de la conscience, qui permet à de l'esprit, qui permet à ce que l'on voudra bien en termes de nom, mais qui permet à de la lumière de pénétrer de la matière. C'est de l'incarnation. Quand on parle de réincarnation, on voudra donc dire que la lumière ou la conscience, mais en réalité, dans le cas de la réincarnation, c'est de la conscience mémorielle, ou c'est-à-dire de la mémoire de conscience. Ce n'est pas de la vraie conscience. Alors, cela voudrait dire que de la conscience, en réalité de la mémoire de conscience, a la capacité de revenir dans de la matière. Et quand on parle de résurrection, on parle de prendre la matière qui, à l'origine, a servi à l'expression d'une conscience et de la réanimer avec cette conscience. Avec la même conscience. Oui. Autrement dit, avec la mémoire de la conscience. Oui. Si toi, tu as vécu dans le passé, disons, v'là 1000 ou 2000 ans ou 3000 ans, on parle de résurrection, cela voudrait dire que le corps physique que tu as eu v'là 2, 3000 ans devra régénérer, être ressuscité, donc retourner à la vie, et toi, tel que tu étais, tu devras donc le réhabiter. C'est pas sûr que ça va être appétissant pour tous ceux qui vont être alentour. Les corps, les corps physiques de 2, 3000 ans, il ne doit pas en rester beaucoup. Ce qui reste, c'est des squelettes, s'il reste des squelettes. Donc, la résurrection, c'est à peu près impossible. La résurrection, c'est extrêmement possible. C'est ce qui va arriver aussi à l'humanité, sauf que tel que l'humanité, tel que l'humain s'y en attend, non. Ce n'est pas comme ça que ça va se faire. Exactement comme la résurrection, comme la réincarnation telle que l'humain l'attend, ce n'est pas comme ça que ça va se faire, et ce n'est pas comme ça non plus que cela se fait. Si on parle, il y a un phénomène intéressant, il y a eu Siddhartha Gautama à un moment donné qui a dit à l'humain que l'homme, la femme ou l'enfant doit faire, c'est finalement bloquer le processus de la réincarnation. Pourquoi? Parce que la naissance est de la souffrance, la vie est de la souffrance, la mort est de la souffrance, puis on ne fait que tourner dans une roue comme ça, une roue sans fin. Et lui, il voulait donc enseigner à l'humain un chemin, une voie initiatique qui permettrait à l'humain de se dissocier de la mécanique de la réincarnation. Si on regarde les pharaons de l'Égypte, ceux qui se faisaient momifier, c'est un peu la même chose. Ils ne voulaient pas se réincarner. Ne voulant pas se réincarner, ils ont travaillé dans, ésotériquement et occultement, des mécaniques, donc c'est de la sorcellerie, des mécaniques qui pouvaient permettre une conservation du corps physique, parce que le corps physique attire à lui, pour être maintenu selon sa forme, de l'énergie vitale. L'énergie vitale est l'enveloppe qui paramètre l'âme. Et dans le cas d'une momification, si on parvient à conserver plus ou moins intact le corps physique, on oblige le corps vital à rester associé au corps physique, donc on oblige l'âme à rester associée au corps vital. Cela veut dire que, du point de vue de la mort réelle, donc de gagner le monde de la mort, gagner le ciel, celui qui est momifié ne peut pas le faire. Il restera aux alentours de son corps physique tant que le corps physique sera plus ou moins associé. Il ne se réincarne pas, il n'évolue pas, il n'est pas sauvé. Bref, il est simplement triplement pogné. Mais à l'époque, on ne le sait pas. Alors, tout ce que l'on se dit simplement, c'est que quand l'être humain fait des rêves, il va dans le monde de la mort, parce qu'on peut rêver à plusieurs choses. Celui qui se fait momifier s'imagine donc gagner l'immortalité, c'est vrai, parce que quand on gagne le monde de la mort, on perd notre conscience, on est dissous, on est digéré par le monde de la mort comme le corps physique pourri dans le monde de la matière, il est digéré par le monde de la matière. Quoique théologiquement, ésotériquement et traditionnellement, on pense que lorsqu'on gagne le monde de la mort, on est conscient de ce qui se passe, etc. Et puis, soit qu'on regarde des vidéos maintenant, avant c'était un grand livre, et puis on s'adapte, et on regardait la vie qu'on avait faite, puis on comprenait les erreurs, on comprenait les péchés, les fautes, les bienfaits. Et par la suite, on redécidait une vie après s'être reposé un peu. Ça, c'est une façon, disons, spirituelle, émotive, d'enseigner la réincarnation, parce que ça permet aux individus de mieux dormir la nuit. Sauf que dans la réalité des choses, l'individu qui gagne le monde de la mort, il se dissout totalement. Donc, c'est pourquoi l'humain qui se réincarne ne se rappelle jamais qui il a été. On pourra voir tout à l'heure qu'une personne peut se rappeler avoir été un tel ou une telle, sauf qu'il en réalité, il a été plusieurs milliers, plusieurs dizaines, sinon plusieurs centaines de milliers d'individus qui, fusionnés ensemble, sont réincarnés maintenant chez lui. Comme les corps physiques sont conçus à partir de la génétique de tous nos ancêtres, ça veut dire des millions et des millions d'individus. Et ce qui donne un corps physique plus solide, mais pour l'habiter, il doit y avoir ces millions d'individus-là qui vont être attirés par le corps physique pour venir animer chaque partie spécialisée du corps physique qu'ils ont légué. Le pharaon qui se fait momifier reste attaché à son corps physique, il ne gagne pas le monde de la mort. Ne gagnant pas le monde de la mort, le corps physique est mort, lui non. Ne gagnant pas le monde de la mort, il ne meurt pas de cette deuxième mort, il ne perd pas sa conscience. De ce fait, il ne peut pas non plus se réincarner, pour la simple raison que les corps qui vont maintenant naître sont des corps qui sont un peu plus avancés que le sien, et ces corps-là ne l'attirent pas. Un pharaon, comme certaines sorcières ou certains sorciers, pourrait essayer de posséder le corps de quelqu'un, mais plus souvent qu'autrement, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas opérationnel. Les corps physiques qui naissent par la suite sont trop avancés, alors que les corps physiques qui existent déjà sont déjà investis d'une âme, sont déjà reliés à un esprit, et normalement, les individus ne sont pas suffisamment faibles pour se laisser posséder, ou s'ils sont trop faibles, le corps physique n'est pas suffisamment intéressant pour une personne dans le genre pharaonique qui voudrait se réincarner. Ceux qui utilisent l'hibernation, comme Walt Disney avait souhaité, se faire congeler puis se faire réveiller plus tard quand on trouverait un remède contre la maladie qu'il avait. Walt Disney, on a trouvé le remède. C'est quoi? Ah, sa maladie. Maintenant, on pourrait probablement soigner. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'on ne sait pas comment les dégeler. Ah ouais. Et qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce que pendant qu'ils sont gelés, est-ce que l'âme s'en va? Est-ce que la conscience s'en va? C'est ça. Pendant qu'une personne est gelée comme ça, la personne n'est pas morte. C'est-à-dire que le corps physique est mort, mais l'individu n'est pas mort. Donc, l'individu ne se réincarne pas. L'individu attend. Il garde sa conscience. C'est-à-dire qu'il garde sa conscience, oui. Et sa conscience est un peu frigorifiée, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il n'a pas la sensation corporelle, il n'a plus d'information qui provient du corps physique, le corps physique étant relativement mort. Sauf que la conscience mémorielle reste là. La problématique de Walt Disney, c'est qu'un individu comme ça, disons qu'on le réchauffe dans 2000 ans, le peu d'âme qui va rester, autrement dit, le peu de mémoire qui va se rappeler et qui va venir l'habiter, ne sera à peu près pas capable de faire bouger le corps physique convenablement. C'est-à-dire que Walt Disney sera un légume si on le réveille dans quelques milliers d'années. Plus ça va prendre de temps, plus l'âme oublie, c'est-à-dire que plus les mécaniques se défont, et il y restera de l'énergie amique, mais il n'y aura pas grand-chose dedans, ce sera un peu comme un zombie, un mort vivant. Présentement, c'est un vivant mort, mais plus ça va aller, plus ce qui est vivant va tendre à perdre la mémoire, et quand on réanimera le corps physique, on aura un corps physique vivant avec une âme qui sera plus ou moins morte, donc on aurait mort vivant. Tu as déjà dit qu'on se fait réincarner ou on se réincarne ou on se fait posséder ou je ne sais pas comment. Tout ça. 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'actuellement, on attire des réincarnations constamment. Mm-hmm. Tout au long de notre vie. Tu sais expliquer ça? Oui. Explique-le donc. Je sais que tu le peux. Comment ça fonctionne, la mécanique de la réincarnation? Parce que moi, j'ai l'impression d'être un individu, j'ai pas l'impression d'attirer des réincarnations, puis j'ai pas l'impression d'avoir des nouvelles entités qui m'habitent jour après jour, 24 heures sur 24. OK, mais en disant ça, tu mens ou tu es inconscient? Ça, c'est un des deux. C'est lequel? Les deux, probablement. Un mélange des deux. Parce que l'être humain est un grand menteur. L'ego de l'homme, l'ego de la femme, l'ego de l'enfant est totalement pris dans une mécanique, dans un carcan qu'on appelle le mensonge cosmique, qui est l'illusion. L'être humain qui a un ego se ment régulièrement. Pourquoi? Parce que son ego étant constitué de mémoire, son ego ne peut connaître que de la mémoire, donc il ne peut connaître que du passé. C'est pourquoi il demande l'opinion de quelqu'un, c'est nécessairement dans le passé, l'autre s'est déjà fait une opinion. C'est pourquoi il lit, c'est pourquoi il regarde des choses du passé. Et comme je le dis souvent, l'humain préfère se fier à ce qu'une personne a écrit là, 100 ans, 200 ans, 300 ans, ou 2000 ou 3000 ans, plutôt que de se fier à ce qu'un être humain vivant écrit, alors on va se fier aux prophètes du passé, on ne se fie pas aux prophètes d'aujourd'hui, on va se fier à des vieux livres sur le magnétisme écrits par Mesmer, mais on ne se fiera pas aux magnétiseurs qui vont innover aujourd'hui, on va se fier sur Michel de Nostradamus, on ne se fiera pas... Bref, on va se fier aux livres traditionnels, on va se fier à la Bible, on va se fier à ceux qui ont écrit ces livres-là, mais on ne se fie pas aux vivants d'aujourd'hui. Beaucoup moins, du moins, que ceux du passé. L'ego étant uniquement mémoriel, l'ego se fie à de la mémoire. C'est pourquoi l'ego veut aussi apprendre, c'est-à-dire que l'ego veut conserver dans sa mémoire tout ce qu'il peut pour connaître le monde. Plus il connaîtra le monde, plus il sera sécure. Donc, un ego dans une maison, s'il entend bouger quelque part dans une autre pièce, il a peur. Il ne connaît pas ce qu'il y a de l'autre côté. Si l'ego connaît qu'il y a un chat, alors l'ego dira, ah, c'est juste le chat, il sera sécurisé. Un ego n'est absolument pas sécure s'il ne connaît pas quelque chose qui peut venir s'immiscer dans la mécanique de sa vie. Donc, l'ego humain est nécessairement peureux. C'est ce qu'il va faire aussi en sorte que la majorité des égos vont devenir grégaires, c'est-à-dire qu'ils vont vivre en troupeau. Plus on est de personnes, plus on peut cumuler de l'information. Plus on peut cumuler de l'information, si moi je ne sais pas ce qui se passe, puis que toi tu le sais, je me sens bien. Ou encore, connaissant inconsciemment la mécanique de l'ego, si moi j'ai peur et que la personne avec qui je suis n'a pas peur, je me dis, si elle n'a pas peur, c'est qu'elle connaît ce qui se passe. Vu qu'elle le connaît, elle sait que c'est pas dangereux, donc si elle n'a pas peur, je ne sais pas pourquoi j'aurais peur. Par contre, si on va camper ensemble, que tu es un coureur des bois, on campe dans une tente, à un moment donné, on entend un bruit, puis là, je commence à te voir transpirer, puis à te voir trembler. Mon ego, normalement, devrait commencer à avoir drôlement peur, parce que mon ego va se dire, bien, Christy, lui, s'il a peur, il connaît ça. Donc, s'il connaît ça, puis qu'il a peur, c'est qu'il y a un danger. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, à ne pas avoir peur? Tu sais, je vois à côté de la traque. Alors, je commence à avoir peur immédiatement. L'humain est collectif par son ego. L'ego, c'est une mécanique qui cumule de la mémoire. Cumulant de la mémoire à la longue, il se crée une personnalité, c'est-à-dire qu'il se fait une personnalité. Ce que l'humain ne comprend pas tout à fait, c'est que, à l'adolescence, vous avez vécu la majorité d'une crise. Une fois adulte, on vit encore des crises, où régulièrement on est confronté à des personnalités que nous avons. Alors, on peut être une personne qui, quand on se met en colère, on est totalement en colère, on est totalement stupide et imbécile, on dit n'importe quoi pour y aller par là. On peut entretenir dans une synergie une engueulade pendant une heure et demie, deux heures, pour absolument rien. Une fois qu'on a fini, quand on redevient pacifique, probablement que là, on est totalement une autre personnalité. Souvent, on regrette même d'avoir été en colère ou d'avoir des choses qui ont dépassé notre pensée, ce qui prouve que lui-même est manipulé, c'est pas lui qui parlait. Et à un moment donné, on est peureux, à un moment donné, on est courageux. Je connais des gens, moi, qui n'ont jamais eu peur dans la forêt, puis subitement, ils ont eu peur. Par la suite, ils n'ont pas eu peur. D'autres, comme toi, je fouille là, je trouve des choses. N'ont jamais eu le vertige. Et subitement, comme ça, pouf, ils ont le vertige. Je peux prendre un exemple. Alors, tu travaillais dans le domaine boursier et tu étais aux États-Unis. Et à un moment donné, il y a eu le dernier crash. Tu étais dans un hôtel très haut, tu regardais dehors. Puis pendant le crash, progressivement, tu as développé le vertige. Tu as réincarné des gens qui travaillaient à la bourse, qui se sont suicidés lors du dernier crash. Et du haut de ta vitrine, tu regardais le trottoir en bas, puis il s'est passé plein de choses. Alors, tu as commencé à avoir peur et tu as le vertige depuis ce temps-là. Tu as donc réincarné, là, des mécaniques. Et ça veut dire que ça n'a pas trop changé ce que j'étais. Non, parce que ce que tu étais a attiré des réincarnations similaires à ce que tu étais. Ça n'a rien changé dans le sens que du jour au lendemain, tu changes pas de goût pour ta femme. Mais ça l'a changé des visions du monde, inconsciemment, à peine, perceptible. Sauf que subitement, tu as le vertige. Subitement, il y a peut-être tel ou tel linge que tu ne mets plus. Telle ou telle personne que tu commences à trouver antipathique. Telle ou telle action que tu n'achètes plus. Oh, ben, évidemment, oui. Les compagnies ayant fait faillite, tu ne peux plus les acheter. Ou n'ayant plus d'argent pour les acheter, tu ne les achètes plus. Mais tu réincarnes. Ça veut dire qu'on réincarne des choses qui ressemblent à la personnalité qu'on a au moment où on... Qui ressemblent au corps physique et tu as la personnalité qui va bien dans ce corps physique-là. Et c'est pourquoi souvent... Regardez, il y a tellement de choses qui sont amusantes. On parle de caractérologie, c'est-à-dire qu'on va regarder le visage des individus qui sont ici et on va pouvoir dire, ah, cette personne-là, elle est ceci, cette personne-là, elle est cela, celle-là, je ne ferai pas confiance, etc. Alors, on va dire, la psychologie altère le corps physique. Oui. Moi, je dis souvent que le corps physique, c'est lui qui détermine la psychologie. C'est la même chose du point de vue de ce que tu veux lire, pas du point de vue de la mécanique. Bon, alors, si c'est le corps physique qui attire la psychologie, bien, nécessairement, regardant les visages, je pourrais dire, cette personne-là, elle est ceci, cette personne-là, elle est cela. Sauf que ce n'est pas la psychologie qui va altérer la caractérologie, c'est-à-dire la forme du corps physique. Le corps physique progressivement va changer quand le corps physique aura cellularisé des choses que la conscience va lui amener. Et parce qu'il cellularise, c'est-à-dire parce qu'il codifie dans sa génétique de l'évolution, donc il mute progressivement, mutant progressivement, il va rejeter des particularités réincarnatives et il va en attirer de nouvelles. En plus, il va cumuler l'expérience de votre vie. À un moment donné, il y a des personnes qui oublient certaines choses, qui oublient toujours certaines choses. Il y en a qui oublient les noms, retiennent les visages. Il y en a qui oublient tout. Il y en a qui retiennent les noms et qui vont oublier les visages, etc. Ça dépend simplement de comment ton corps physique est bâti. Alors, on pourra dire à une personne, oui, mais tu devrais faire un effort un peu. Il n'est jamais question d'effort, il est question de ce qu'on a réincarné. Par contre, l'humain peut apprendre des mécaniques. Apprenant des mécaniques, il peut développer une technique. Puis une technique, c'est génial en ce sens que ça permet de manipuler le manipulateur. C'est-à-dire que l'être humain n'a pas de volonté propre chez lui. On pourrait y revenir, soit pendant la période de questions, soit après. Sauf qu'en appliquant une technique, une discipline particulière, l'humain peut parvenir à bouger des structures. Et bougeant des structures, il se change. Il change son corps physique. Changeant son corps physique, il va nécessairement rejeter des choses au niveau des personnalités réincarnatives, ce que lui appelle sa personnalité, et attirer de nouvelles choses. On parle du yoga, disons du Hatha Yoga. Pourquoi le Hatha Yoga change-t-il progressivement la personnalité alors qu'il n'agit que sur le corps physique? On parle des arts martiaux, ils n'agissent que sur le corps physique. On parle, par exemple, devenez végétarien, vous allez devenir plus pacifique. On n'agit que sur le corps physique. Manger du sang, manger de la viande rouge non cuite, vous allez devenir réellement de plus en plus colérique. Les chiens, on le sait, donne-leur de la viande crue, puis le chien devient plus agressif à la longue. On n'agit que sur le corps physique. Alors, à force d'agir sur le corps physique, on mute la personnalité. Et souvent, l'humain qui est galvanisé par l'idée suprême que c'est lui, c'est-à-dire ce qu'il a comme conscience qui dirige tout, il refuse cette idée. Prenez de la boisson, vous allez n'agir que sur le corps physique. Mais regardez ce qui va rester comme personnalité après, comme psychologie. Vous allez être totalement différent et différente. On n'agit que sur le corps physique. Certains prennent de la drogue. La drogue va sécréter différentes hormones, de la dopamine, entre autres. Et là, ça va donner de l'euphorie, ça va rendre l'humain totalement heureux, ça va le rendre génial. Et là, psychologiquement, il va réellement flotter. On n'agit que sur le corps physique. Et on n'agit que sur le corps physique. Donc, une technique qui permet à l'humain d'évoluer est une technique qui agit que sur le corps physique. On parlait de la méditation transcendantale que tu as fait aussi un bout de temps. Tu répètes un mantra. Le fait de répéter un mantra engendre une résonance vibratoire dans la boîte crânienne par le centre laryngé, ce qui nécessairement encore altère le corps physique. Et il y aura donc une réaction au niveau de la psychologie. L'être humain, il est pluriconstitué. Cela veut dire que l'être humain, il peut être pacifique et colérique. Donc, ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas une personnalité, c'est deux personnalités. Il a tellement de facettes. À un moment donné, il a le goût de voyager. Subitement, il a le goût de rester à la maison. Il a le goût d'aller voir des films. Il n'a plus le goût. Bon, il change régulièrement. L'humain est pluriconstitué. Pourquoi? Parce que de base, ce qui crée sa personnalité est constitué par un paquet de mémoires du monde de la mort qui se réincarne selon le corps physique. Ça crée un ego pluriconstitué, et cet ego-là, normalement, devrait se fusionner, c'est-à-dire qu'il devrait devenir homogène et une seule personnalité vers l'adolescence, si l'humain apprend à se sevrer d'affection. Mais à l'adolescence, trop souvent, on ne se sevre pas d'affection, ce qui fait qu'on va continuer à avoir besoin d'une forme d'affection tout au long de notre vie d'adulte. On pourrait revenir au mois d'août sur une conférence reliée plus à l'affection, à l'amour, à ces choses-là. Sauf qu'étant donné que ce n'est pas plus fusionné totalement, et qu'en plus, à l'adolescence, subitement, il y a des personnalités d'adultes qui commencent à s'incarner. Pourquoi? Parce que le corps physique commence à être sexué, il commence à exprimer plus d'hormones, donc il commence à pouvoir exprimer plus d'émotivité d'adultes. Et là, on a des mécaniques d'adultes qui commencent à pénétrer. C'est ce qui va créer la crise de l'adolescence, où on aura l'hyperpersonnalité de l'enfant, attirée par un corps d'enfant, qui maintenant sont en guerre totale contre les personnalités d'adultes. Et pourquoi on a souvent dans la crise de l'adolescence des adolescents qui rejettent totalement les maudits adultes et qui s'enferment dans leur gang, etc. Puis ils peuvent finalement avoir 19 ans, 20 ans. Ils refusent toujours les adultes. Ils ne sont pas rendus compte que le corps physique est adulte. C'est simplement une projection de la guerre qui se passe dans leur ego d'enfant, qui lutte contre les personnalités d'adultes qui viennent maintenant posséder le corps. Tiens, mon garçon, tu as commencé à trouver les filles belles. Il n'a jamais compris qu'est-ce qu'il y avait de beau là-dedans. Mais regarde-leur les seins. Il en a vu des seins. Il n'a jamais vu ce qu'il y avait d'original là-dedans. Puis subitement, ça commence à avoir un éclatement de valeur qui apparaît chez lui. Il peut trouver ça beau. Il peut trouver ça X, Y, Z. Il aura maintenant des goûts masculins d'adultes. La femme aura des goûts féminines de femmes, d'adultes, etc. Et progressivement, l'enfant meurt, c'est-à-dire qu'il est enterré. pour que puissent germer des personnalités réincarnationnelles d'adultes qui vont être en affinité avec le corps physique de l'individu. Mais tout au long de sa vie, ça va se continuer, ça sera pas long, ce qui fait qu'à un moment donné, il va se lever un matin et subitement, il a le goût de changer d'emploi. Mais hier, il n'avait pas le goût de changer d'emploi. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il a réincarné des mécaniques, puis sa personnalité vient encore de changer. Grosso modo, elle reste la même, mais surtout que parce que l'ego se fie à ce qu'il perçoit chez lui, il refuse obstinément de concevoir qu'il est pluriconstitué et que peut-être que cette nuit, je me suis fait ramasser. Ou encore dans la journée. Vous êtes totalement péquiste. Vous rencontrez quelqu'un qui est totalement libéral, puis après avoir discuté avec lui, vous êtes totalement libéral. Mais voilà, il y a eu, on dit, oui, mais il y a eu une manipulation, il t'a influencé, viens voir, va te remettre. Non, tu vas le réinfluencer. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la réincarnation par imprégnation. C'est-à-dire qu'une partie de ce qui m'habite moi et qui me fait voir telle chose va aussi te chercher toi. Et l'humain collectif, parce que bien souvent, ce qui se réincarne certaines personnes ici est présent dans un paquet d'autres individus. Et c'est pourquoi on va trouver, à un moment donné, des phénomènes grégaires très compacts, comme le nationalisme et pire, le racisme. Pourquoi? Parce que dans le nationalisme, les individus normalement se marient entre eux et la génétique va réincarner ceux qui sont déjà, qui ont été les grands-parents. Alors, on se réincarne toujours dans le même peuple. Ce qui fait que progressivement, on finit par avoir un égrégore collectif de groupe où on va dire « nous sommes Québécois ». C'est évident, mélanger comme on est mélangé, je ne parle pas dans la conscience, on l'est déjà, mais au niveau de ce qui se réincarne, eh bien, on a réellement l'impression d'être une entité. Et nécessairement, parce que le mariage des Blancs et des Noirs, des Blancs et des Jaunes, des Noirs et des Jaunes, etc., a été très, très, très, très ectopique, c'est-à-dire très rare dans le passé, ben nécessairement, les Blancs n'ont vécu que dans des corps de Blancs, et nous sommes tous ensemble dans des corps de Blancs. Ce qui fait que quand on voit un maudit haïtien se pointer ici, on n'arrive pas à comprendre comment il pense, on n'arrive pas à rien suivre, et nécessairement, on va péjorativer, on va le traiter de lent, d'imbécile, on va en mettre des choses. Alors que l'haïtien, lui, va voir la même chose chez le blanc, tu veux énerver comment ils sont, tu veux comment ils courent, tu veux comment ils sont stressés, puis là, on s'amuse. Et on va lentement cristalliser du racisme. Dans les mécaniques réincarnationnelles, de temps en temps, il y a des petits clans qui vont réapparaître. On en a déjà parlé. Ça peut être des mécaniques de chevalerie du passé. Ça peut être des mécaniques de famille particulière du passé. Mais on a ce phénomène. Quand on disait dans l'Antiquité qu'il faut préserver les sangs royaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, prendre une princesse puis faire en sorte qu'elle marie quelqu'un du peuple. Pourquoi? Parce que les lignées génétiques réincarnationnelles vont se mêler. Ésotériquement ou théologiquement, occultement, mais inconsciemment, le peuple de l'époque savait que. Alors, c'était préférable de devenir débile progressivement par mariage consanguin pour préserver nos lignées réincarnationnelles. Mais comme les génétiques s'usaient parce qu'ils non mêlés, les réincarnations s'usaient parce que non mêlés, c'était débile physique, débile psychologique, bref, ça danse ensemble. L'humain se lève un matin et ou n'importe quand dans la journée, subitement, tout allait bien, puis subitement, fouf, ça vient de descendre ou il vient de monter, bien, il vient de recevoir quelque chose. On réincarne. On n'arrive pas à se connaître ou à se reconnaître. On passe notre vie à essayer de se comprendre en tant que personne. On peut pas, parce que ça bouge régulièrement. Au fur et à mesure que tu en comprends un petit bout, il en arrive un autre bout. C'est pas, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on va dire. Ça entretient une illusion qui est aussi réelle. C'est-à-dire que ça entretient l'illusion qu'on est toujours en évolution. Quand on dit on peut dire de quelqu'un, « Ouais, mais là, tu stagnes depuis 2 ans. »« Oh, je stagne pas. On évolue toujours, on veut pas. » Un instant, on n'évolue pas toujours, veut pas. On ramasse des mémoires toujours, veut pas. Mais si on les coupait, ces réincarnations-là, est-ce que ça nous permettrait d'en finir avec la compréhension de ce qu'on est? Est-ce qu'en restant la même personnalité... Puis en... Non, c'est que l'humain de passer... Est-ce que ça arrêterait l'évolution? Non. Ça accélérerait l'évolution. Parce que ce n'est pas parce que nous avons de la mémoire qu'on évolue. Avec de la mémoire, on n'évolue pas. On apprend des choses, on n'évolue pas. On prend de l'énergie et on la structure en forme, c'est-à-dire qu'on crée de la mémoire avec. Alors, souvent, les individus mémorisent tout, mais ne comprennent pas. Bon, d'autres comprennent tout, n'ont rien mémorisé. Alors, si on leur pose des questions toutes faites, ils ne pourront peut-être pas te répondre. Mais si tu leur dis, bon, ben alors, explique-moi donc l'affaire, ils vont commencer à se réchauffer, puis vu qu'ils ont compris, ils vont être capables de tout restructurer la mécanique au complet, puis là, ils vont même pouvoir répondre aux réponses qu'ils ne peuvent pas répondre tout à l'heure. La personne qui a tout appris, bon, disons, je fais un séminaire, et une personne qui apprend par cœur, un intellectuel, habituellement, ils n'ont pas le temps parce que je parle trop vite, mais disons, une personne qui apprend par cœur, si, disons, la personne, elle a appris par cœur la réincarnation. On lui pose des questions que j'ai expliquées, elle va répondre. On lui pose une question que je n'ai pas répondu, elle ne peut pas répondre. parce qu'elle n'a pas compris la mécanique. Une autre personne qui a compris la mécanique pourra peut-être pas t'en faire une conférence, si c'est pas un orateur ou une oratrice. Elle ne pourra peut-être même pas toute se faire une conférence à elle-même. Sauf que la mécanique, elle est comprise, elle va changer sa vie. Si on lui pose une question particulière, elle pourra dire, ah ben non, c'est pas ça, c'est à cause que, ta. Puis là, si on lui dit de pousser plus loin, peut-être qu'elle peut pas tout expliquer, elle a pas les mots pour. Elle a compris la mécanique. Alors elle, ce que j'ai expliqué lui appartient, c'est plus à moi, parce qu'elle l'a compris. Si on était capable d'arrêter les réincarnations, on apprendrait toujours du neuf? C'est-à-dire que, non, si on serait capable de bloquer le processus réincarnationnel, premier avantage qu'il y aurait, c'est qu'on commencerait à être stable. Spirituellement, on dirait que vous êtes stagnant. En réalité, on serait stable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes des êtres humains plus pacifiques que guerroyants, en devenant stable, progressivement, vous allez exprimer ce que vous êtes en majorité. Donc, l'individu qui se pointe à une conférence comme celle-ci n'est nécessairement pas un criminel. Je parle de 200. Il peut avoir commis des conneries, je m'en fous, je parle pas légalement. Et la personne qui, à un moment donné, bloque le processus réincarnationnel, elle va exprimer surtout ce qu'elle est, dans ce qu'elle est en majorité. Et elle ne sera plus stimulée dans la colère ou dans d'autres phénomènes. Si elle est juste colérique, elle sera plus stimulée dans la paix. Donc, pour elle, c'est pas le temps de bloquer le processus. Et étant en synergie dans ce qu'elle est de plus blanc, nécessairement, elle va grossir cela, donc détruire le reste. C'est-à-dire que progressivement, elle va devenir uniquement un être humain blanc. Ça veut dire qu'avant de bloquer le processus de l'incarnation, il faudrait s'arranger pour être en santé, être bien financièrement, puis aimer ce qu'on est. Parce que non. Sinon, on va rester pris dans ce qu'on n'aime pas. Non. Aimer ce qu'on est, même là encore, c'est une farce. Il faut juste aller chercher Aimer ce qu'on est, en tout cas, essayer de trouver ce qu'il y a de moins pire que ce qu'on a. Oui, mais c'est même pas tout à fait ça. En plus, être en santé, non, parce que c'est l'ego qui rend le corps malade. Ce qui fait que quand tu bloques le processus réincarnationnel, l'intelligence commence à descendre, ton corps va progressivement se restaurer en fonction de la capacité que la restructuration du corps aura de ne pas t'égoïser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on a un humain qui décide, qui bloque le processus réincarnationnel. Alors, ses parents ne s'incarnent plus chez lui, hein? Ses amis ne s'incarnent plus chez lui, et le passé ne s'incarne plus chez lui. Et à un moment donné, le corps physique commence à se restructurer, puis la personne a dit, hey, tabarnouche, je suis bon, hein, mais j'ai réussi à... Là, il s'égoïse. C'est égoïsant, il retombe encore dans la masse de l'ego, puis il va encore commencer à tirer des mémoires de personnes qui pensent qu'ils contrôlent tout. Alors qu'il n'a rien fait. C'est comme de dire, hey, j'ai tout digéré, maudit, hey, je suis bon en tabarnouche, puis moi, je suis bien meilleur que toi, moi, je digère en 1h30. Ça te prend 2 heures, toi. Assez de faire comme moi. Tu contrôles rien. C'est comme quelqu'un qui me dit, je cours plus vite que toi. Ben oui, mais prête-moi ton corps, m'a couru aussi vite. C'est niaiseux. C'est vraiment, c'est niaiseux. Ouais, mais moi, je l'ai entraîné, mon corps. Tu l'as entraîné, ton corps. Lui aussi, il l'a entraîné. Il y a de l'arthrite qui s'est développé dans cette plus articulation. Plus prêté. J'ai pas eu le temps d'entraîner le mien. Ben, je sais, bon. L'humain n'a rien fait de rien. Bon, il s'amuse simplement. Bon. Alors, il pense qu'il contrôle. Si on bloque le processus réincarnationnel, cela va faire en sorte qu'on va commencer à... Et on peut le bloquer uniquement, c'est bien fait. On peut le bloquer uniquement, et si c'est pas quelqu'un qui vient de le bloquer, là. On peut le bloquer uniquement si on a suffisamment de puissance mentale et suffisamment de contact avec un ajusteur de pensée et suffisamment de contact avec son esprit par l'ajusteur de pensée. Donc, on ne peut le bloquer que si on a suffisamment d'intelligence pour comprendre des mécaniques neuves et pour accepter des mécaniques neuves. Donc, on ne peut le bloquer que si c'est le temps qu'on le bloque. Exact. Puis quand c'est le temps qu'on le bloque, j'imagine que la prochaine réponse, ça va être, tu vas le savoir, que ça va être la tête. Donc, j'ai pas posé la question. Ah! Quand va-t-on savoir paradoxe. Ça peut être ça, ça peut ne pas être ça, ça dépend à quel niveau de conscientisation tu es rendu. Quand on sait qu'on peut. Ouais, c'est pas important ça. Voilà. Comment on fait pour bloquer le processus de l'incarnation? Si on n'est pas prêt, on ne sera pas capable. Donc. C'est tout vrai. Sauf que ce que l'on doit comprendre, c'est qu'il arrive un moment donné où il y a un territoire d'incertitude dans l'évolution. Où tous les concepts, ou toutes les théories, où toutes les visions deviennent floues, vraiment fausses et faussement vraies. Quand je dis que tu ne peux rien faire tant que ce n'est pas le temps, c'est vrai, jusqu'au jour où l'homme ou la femme, suffisamment conscientisée, pourra découvrir que c'est le temps lorsqu'elle le fait, alors qu'un peu avant, elle le faisait que lorsque c'était le temps. Mais là, on a un territoire d'incertitude, un territoire de flou, où chaque chose que l'on va dire devient paradoxale. C'est vrai et c'est faux. Donc, effectivement, si ce n'est pas le temps, tu ne le feras pas. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que si c'est le temps, c'est ta conscience qui devra décider de le faire. Si ta conscience continue à être leurrée que ce n'est pas le temps, fausse humilité, tu ne le feras toujours pas plus alors que c'est le temps. Bon. L'humain n'a pas de libre arbitre, mais l'humain a une liberté dans la conscience. L'humain n'a pas beaucoup de conscience sorti du mensonge cosmique, donc libre du mensonge cosmique, parce que l'humain a une conscience trop assujettie au mensonge cosmique, il ne peut pas faire la nuance entre ce qui est de la liberté et ce qui est de l'espoir de libre-arbitre. Quand l'humain arrive à se dissocier, premièrement, l'humain doit comprendre qu'il n'a pas de libre-arbitre. Bon. La réincarnation, les mémoires réincarnationnelles viennent continuellement manipuler et massacrer notre conscience, c'est-à-dire que nous avons une conscience qui est croissante, qui est plus ou moins latente et qui a une capacité d'expression, on appelle cela l'évolution. L'évolution, en réalité, c'est la cellularisation, c'est-à-dire la mutation du corps physique, donc c'est mémorisé dans la matière et non pas dans la conscience astrale, de la possibilité que le corps physique a de laisser exprimer de l'intelligence. Mais de l'intelligence, ce n'est pas de l'intellectuance, c'est-à-dire que l'intelligence est actif. Ça ne provient pas de mémoire. Ça ne dépend pas de mémoire. Ça ne dépend donc pas de ce que l'on a appris. On ne peut pas réincarner d'intelligence. On ne peut qu'incarner de l'intelligence. On ne peut pas réincarner de l'intelligence. Ce que l'on doit donc saisir, premièrement, c'est que réincarnationnellement parlant, la réincarnation n'existe pas. D'accord? C'est une conférence pour rien. Non. C'est une mécanique. On réincarne, on ne se réincarne pas. Voilà. Bon. Si, là, je viens d'aller chercher un filon au niveau de la théologie catholique romaine. À un moment donné, ils ont interdit l'enseignement de la réincarnation, et occultement, parce que l'une des religions occultes les plus puissantes que l'humanité a connues, à part le peuple juif qui a été massacré de façon à permettre à l'Église catholique de monter, je ne dis pas que c'est l'Église catholique qui a créé cela, mais occultement, c'est ce que ça l'a donné au niveau, par exemple, de l'histoire ésotérique de l'humanité. L'Église catholique, c'est extrêmement puissant. On pourrait en parler longuement de toute la mécanique occulte et merveilleuse et en même temps satanique et yavique qui se pointe dans l'Église catholique. Lorsque l'Église, fondamentalement, va prétendre que la réincarnation n'existe pas, elle fait ce que toutes les Églises ont fait jusqu'à date, c'est-à-dire qu'elle dit la vérité, mais elle ne dit pas toute la vérité. De ce fait, elle dit la vérité, mais ce que les gens entendent, c'est un mensonge. Vous ne pouvez pas vous réincarner. Toi non plus, moi non plus. Donc, est-ce que la réincarnation existe? Bien, si on se réincarne, oui, mais si on ne se réincarne pas, voilà. Bon. Qu'est-ce qui te constitue? De la conscience et des mémoires. Qui s'incarne pour la première fois dans une entité comme tu es. Oui. Mais qui est réincarnationnel en fonction que ça l'a déjà été dans des corps physiques, mais dans d'autres corps physiques, puis avec d'autres affinités astrales. Donc, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est une incarnation. Mais ce qui vous constitue est réincarné. Partiellement. Oui. Le reste expérientiel. Si c'est de la conscience qui s'est incarnée, si on a un ajusteur de pensée fonctionnel et puis qu'on se sert de l'intelligence de temps en temps, à ce moment-là, ça, c'est des incarnations neuves, cette partie-là. C'est incarné. Sauf que, comme je dis, c'est que l'humain n'a pas la capacité de se réincarner, pas pour l'instant, il pourra l'avoir. Sauf que présentement, il est une réincarnation. Mais il ne s'est pas réincarné. Autrement dit, vous tel que vous êtes, vous n'avez pas vécu tel que vous êtes dans un autre monde, dans une autre vie. Mais ce qui a vécu dans des milliers de corps physiques dans une autre vie, fusionné dans le monde de la mort, s'est réincarné chez vous, vous constituant. Mais tel que vous êtes, vous ne vous êtes pas réincarné. De ce fait, l'humain ne se réincarne pas, mais la réincarnation existe, mais pas comme l'humain veut l'entendre. Donc, si on dit à l'humain qui veut l'entendre d'une façon particulière que la réincarnation n'existe pas, on dit la vérité. Mais la résurrection non plus. Mais en même temps, oui. Comment la résurrection peut-elle arriver dans ce cas-là? Comment pouvons-nous ressusciter les morts? Parce que la résurrection parle surtout de ressusciter les morts. Les morts, qu'est-ce que c'est? C'est de la mémoire dans le monde de la mort. Mais en même temps, la résurrection est assez explicative, elle parle aussi de la matière. Résurrection des corps. C'est pas un paquet de personnages plus ou moins en loque humaine là, qui vont se prêter un tibia, un cubitus, puis un omoplate, il en manque des bouts, les chiens sont partis avec. C'est pas ça, la résurrection. Mais il faut comprendre plus cosmiquement, plus globalement, tout le processus de réincarnation, résurrection, si on veut avoir une idée réelle de ce qui se passe. L'Église catholique, on parle surtout d'elle, parce que c'est elle qui est la plus connue des personnes qui écoutent, annonce qu'il y aura 144 000 élus. Ésotériquement, on parle de 14 faisceaux mères. Un faisceau, c'est dans mon vocabulaire une ambiance en réalité, mais pour être plus compréhensible, disons, on parle de faisceau, d'un rayon. Alors, on parle de 14 faisceaux. Il y avait, là, un peu moins de 2000 ans, un faisceau qu'on appelait le faisceau nazaréen. Il est résorbé, il en reste 13. Dans les 13 faisceaux, il y a le faisceau nazaréen, qui contrôle l'ordre rosicrucien comme l'ordre franc-maçonnique, qui contrôle le bien, qui contrôle le mal, qui contrôle présentement la structure évolutive planétaire, et c'est une mécanique totalement mentale. Le faisceau nazaréen est en train de se résorber, parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle grand monarque, qui est une conscience planétaire, qui va s'instaurer pour le remplacer, et qui ne provient pas de la faculté mentale, mais qui provient de la faculté supramentale, qui est en train de se développer à l'échelle mondiale, mais qui commence surtout au niveau nord-américain. Lorsque nous parlons de 144 000 élus, nous parlons donc d'individus qui vont survivre. Il reste, si le faisceau nazaréen se retire, 12 faisceaux. L'ésotérisme catholique parle des 12 tribus d'Israël. On parle aussi d'être frères et sœurs en esprit, mais un faisceau qui habite certains individus ici les relie en esprit. Alors que toi et moi, on peut être sur le même faisceau, on peut ne pas être sur le même faisceau. Si on est sur le même faisceau, on est deux frères en esprit. Si on n'est pas sur le même faisceau, on n'est pas deux frères en esprit. On n'est pas des ennemis, on n'est pas deux frères en esprit. Le Nazaréen descendant sauve son humanité, tous ses frères et sœurs en esprit, et il disparaît avec. Il reste des humains, oui, il reste des humains, les autres faisceaux. Lazare fera la même chose, et il y aura par la suite 12 autres faisceaux. On parle de 12 tribus d'Israël, et 12 fois 12, ça fait 144, donc on parlera donc de 12 000 vivants, relié à un faisceau, un des 12 faisceaux, pour donner 144 000. Le chiffre exact est 144 853 parce qu'il va rester des particularités du faisceau nazaréen dans les années à venir. Quand on parle de résurrection, moi, quand je parlais de... Quand on dit qu'il y aura 144 000 élus, bien, imaginez-vous bien que sur 5 milliards d'êtres humains, Dieu manquait son coup. 144 000 personnes sur 5 milliards d'êtres humains. Mais là, il faut faire attention, c'est que s'il n'y a pas de réincarnation... On a 5 milliards d'humains là, mais v'là 30 ans, il y avait 4 milliards d'humains, puis c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ou v'là, mettez 100 ans. Et il y avait avant 3 milliards d'humains, puis ça fait combien de milliards d'humains qui ont vécu s'il n'y a pas de réincarnation? Alors 144 000 sur les trillions d'humains qui ont vécu sur la planète Terre, il y a quelqu'un qui a manqué son coup. S'il a créé l'homme à son image, il ne devait pas être beau ce matin-là. Bon, en tout cas. Sauf que si ce qui vit il y a de cela 3000 ans ou 30 000 ans, dans le monde de la mort se fusionne et se réincarne dans des nouveaux corps, tous ceux qui ont vécu v'là 30 000 ans se sont réincarnés v'là 2000 ans, se sont réincarnés maintenant. Donc, on peut considérer que présentement, et c'est un fait, que toute l'humanité du passé est présentement totalement active dans nos gènes, on le sait physiquement, mais aussi dans notre conscience. Chaque être humain aujourd'hui a approximativement 30 millions de personnalités réincarnationnelles qu'il constitue au niveau de l'ego. Cela veut dire que, présentement, dans les 5 milliards de corps physiques que nous avons, toutes les humanités du passé sont réunies. Plus cela va aller, il y a une mécanique qui va faire en sorte que l'être humain va couper le canal réincarnationnel, donc il va bloquer le processus d'attraction de mémoire réincarnationnelle. Il va, avant cela, débloquer son canal ajusteur de pensée, qui est le canal de l'Esprit-Saint, donc d'un esprit pur, non coloré par les mémoires de l'âme, par son émotivité, etc. Ça se connecte au plan supramental, qui est antiquement le plan christique, donc l'énergie christique des alchimistes, c'est l'esprit, tout simplement, c'est le phénomène dont on parle d'énergie supramentale, supérieure au mental. Le mental, c'est quelque chose qui vient quand l'intellect commence à naître. L'intellect, lorsqu'elle commence à se dissocier de l'émotivité, ça devient du mental. Et par la suite, le mental a la capacité de mentaliser, ce qui n'est pas tellement bon, ou d'entrer en contact avec le plan supramental pour intelligencer, ce qui est l'essentiel. L'intelligenciation permet à l'humain d'amener des choses neuves. Donc, ça rend l'humain capable de devenir son seul maître et de se supporter lui-même en tant que lui-même. Il n'a plus besoin, à partir de là, de se fier à ses parents, à ses lignées réincarnationnelles. Il n'a pas besoin de l'opinion d'autrui. Si tout le monde a peur, il n'a pas peur non plus. Il est dissocié du collectivisme. De ce fait, il n'est plus manipulable. Donc, il exprime plus puissamment la liberté dans la conscience. Il n'a pas plus de libre-arbitre encore. Mais il est totalement libre dans sa conscience, cela veut dire qu'on ne peut pas le rendre malheureux uniquement parce qu'on dit qu'il est. Mais il ne pourra pas traverser un mur ou s'asseoir sur une chaise s'il y a déjà quelqu'un sans s'asseoir sur elle. Donc, il n'y a pas plus de libre-arbitre planétairement, mais il y a une liberté totale dans sa conscience. Et en plus, il ne se pose plus de questions parce qu'à l'instant où la question apparaît, la réponse suit. Ça, c'est de l'incarnation encore. Là, il va incarner du neuf, c'est-à-dire qu'il va incarner de l'énergie supramentale. Cela pourrait vouloir dire, si on parle dans, avec des mots de l'ancienne religion, il va incarner de l'énergie christique, donc il va se christifier. On a Jésus, l'enfant, on a le Christ, les deux reliés ensemble et incorporés, on appellera cela Jésus-Christ. Quand le Christ s'en retourne, l'enfant, Jésus se réveille sur la croix, tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il n'y a pas le temps d'en dire plus. Et on a deux mécaniques, une mécanique planétaire et une mécanique extraplanétaire qui est christique. Dans les temps à venir, ce qui va se passer, il va se passer simplement que plus cela va aller, plus l'humain aura la capacité de réincarner des phénomènes du monde de la mort. Le prophète Jean, qui sur l'île de Patmos a écrit l'Apocalypse, qui veut dire révélation de choses présentes ou passées, mais n'empêche, on appelle ça Apocalypse, il définit qu'un jour, l'humain voudra mourir, ne pourra pas trouver le monde de la mort, c'est-à-dire que vous, l'humain, vous voudrez mourir, vous ne pourrez pas mourir, vous ne trouverez pas la mort. C'est que plus cela va aller, plus il va y avoir des êtres humains solides dans leur conscience qui vont réincarner du monde de la mort, ce qui se passe là. Donc, l'enveloppe du monde de la mort va commencer à se dissoudre, à fondre lentement, et elle va aller, toute l'humanité du passé va de plus en plus se présenter dans les corps physiques, donc dans la conscience des individus qui vivent. Mais ces individus-là auront suffisamment de liberté dans leur conscience supramentale pour digérer ce qui se réincarne chez eux, donc pour les faire évoluer à leur niveau, et non pas pour revenir à son niveau. Autrement dit, tu réincarnes Attila, tu réincarnes Adolf Hitler, eh bien, ils deviennent pacifiques, ils deviennent calmes, ils deviennent, etc. Et ce n'est pas toi qui deviens un guerrier, qui devient violent, qui devient haineux, qui devient raciste. Ça, c'est à condition que celui qui ramasse ces mémoires-là n'est pas la force de digestion. Puis n'est pas déjà colérique lui-même. Puis, parce que ça, ça, de toute façon, il ne le fera pas en masse. Il va le faire en minorité, comme présentement ça se fait sur le plan planétaire, réincarner un peu de colère quand tu es colérique. Mais ceux qui vont supporter le poids de l'humanité, c'est des individus reliés aux 12 faisceaux. Le Nazaréen a pris 12 apôtres, c'était pas au hasard. Il a ramassé 12 faisceaux différents, des individus pas nécessairement puissants, mais reliés à ces faisceaux-là. C'est pas Lazare qui a fait qui était 12. Non, non, c'est ça, ouais, c'est le Lazare. Et par la suite, l'humain qui va faire cela va vivre ce que Jean appelle l'apocalypse. Il y a plusieurs humains corps physiques qui vont mourir. En mourant, ils vont immédiatement se réincarner. Et plus cela va aller, plus les individus vont se réincarner immédiatement après leur mort et ne gagneront plus le monde de la mort. Ce qui va arriver, c'est que si on parle encore de l'apocalypse, c'est qu'une personne qui veut se suicider, alors elle se tire une balle dans la tête parce que tout va trop mal. Et en mourant, elle s'incarne immédiatement dans le corps d'un autre, donc elle voit encore, bref, elle se tire une balle, puis elle est encore vivante, mais dans un autre corps. Elle ne trouve pas la mort. Plus cela va aller, plus le monde de la mort va être digéré, il n'y aura plus de monde de la mort. Quand on parle de la résurrection à la fin des temps, à la fin des temps, c'est intéressant. Parce qu'il y a déjà eu plusieurs fins du monde. Il y a eu la Révolution française, il y a eu dans, pour certaines psychologies, la guerre de sécession, il y a eu plusieurs fins du monde. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, par la suite, on a eu une ère totalement nouvelle, c'est la fin d'un monde. Mais là, on parle de la fin des temps, et non pas de la fin du temps. C'est-à-dire qu'on parle de la fin d'un paquet de cycles. Lorsque l'humain aura réussi à réincarner l'humanité dans 144 853 véhicules physiques, il va se passer des processus de fusion entre le plan supramental, qu'on peut appeler l'esprit, et le corps physique de l'homme, parce que le corps physique de l'homme aura été purgé de son ego, c'est-à-dire que l'âme qui véhicule l'ego aura été anégoïsée, donc il y aura eu une fonte de l'ego. L'âme sera pure, en ce sens qu'il le sera totalement transparente, il n'y aura plus d'ego, ce qui fait que l'intelligence la traversera sans problème. Et l'ego aura servi à créer un double éthérique qui va rendre l'être humain immortel. Un double éthérique, c'est créé par de l'énergie. C'est l'énergie de nos mémoires, l'énergie de tout ce qui nous manipule dans notre psychologie. C'est l'énergie de nos désirs, de nos émotions, de nos peurs, de nos craintes, etc. qui, à un moment donné, fondent. On ne croit plus, on sait, on n'a plus peur. On peut éviter, on peut être prudent, mais on n'est pas manipulé à la prudence. On considère qu'on ne doit pas y aller simplement. On doit faire attention aux chiens, pas parce qu'on en a peur. Alors que l'animal humain, lui, aura à faire attention aux chiens parce qu'il en a peur. Faire attention à ceci parce qu'il en a peur. Bon. L'humain qui, et non pas l'animal, l'humain qui arrive à ce niveau-là, il va créer un double éthérique, c'est-à-dire un double conforme de ce qui contient sa conscience dans son corps physique. Parce qu'il a coupé le canal réincarnationnel, il n'est plus en contact avec le monde de la mort, il ne nourrit plus le monde de la mort, et il n'est plus nourri par le monde de la mort, donc il ne se réincarne plus chez lui. Si le corps physique meurt, il va dans le plan moronciel, qui est un plan d'énergie vitale, un plan de transition où tous les âmes vont avant de gagner le monde de la mort. Et dans ce plan vital, il va voir le double éthérique, il va investir le double éthérique, et s'il se réincarne, là, il se réincarnera, c'est une réincarnation individuelle où il se rappellera ce qu'il a été, ce qu'il a vécu, quel était le corps qu'il avait, où il a habité, bref, il sera tout au complet. Ça sera une première réincarnation. Là, ça serait une première réincarnation d'individu tel qu'il est. Mais dans le passé, il y en a eu, bon, à peine, mais disons qu'il n'a pas eu. La condition pour la réincarnation, c'est donc un double éthérique. Si tu n'as pas de double éthérique, tu ne te réincarnes pas en tant qu'individu. Exact. Maintenant, mais ce qui peut arriver, c'est que le double éthérique s'approche du corps physique, se fusionne à lui et crée du corps de physique un corps de lumière planétaire, ce qui fait que là, l'individu ne meurt même pas. Il ne se réincarnera pas, le corps physique ne meurt pas. Il devient androgyne, il devient asexué, il n'a pas besoin de se reproduire parce qu'il n'aura pas besoin de se réincarner. Bon. Juste pour répondre à la résurrection. Plus loin, les faisceaux vont commencer à se fusionner entre eux, c'est-à-dire que les 144 000 personnes vont commencer à se fusionner entre elles. Il y aura encore des corps physiques abandonnés pour nourrir plus puissamment d'autres corps physiques. Et progressivement, un peu plus loin, lorsque l'humain sera suffisamment énergétique, il englobera lui-même le plan planétaire au complet. Et toute la mécanique au complet sera retransformée en énergie et sera dissoute. De ce fait, effectivement, tout ce qui a été matière va être ressuscité, c'est-à-dire qu'il sera réanimé par de la vie, l'énergie vitale, de l'éthérique, et par de l'intelligence. On parlait d'incarner, réincarner, ressusciter. Mais on ne peut pas, évidemment, quand on dit qu'il y aura une résurrection à la fin des temps, cela veut dire que du nouveau du contexte planétaire, dans son plan d'évolution, il n'y a plus rien après, du point de vue planétaire. L'humain devient donc planétaire, l'humain devient galactique au niveau de sa conscience. Pour la majorité des consciences biologiques actuelles, c'est très pénible à cerner ou à comprendre. Pour la conscience astrale, spirituelle, c'est plus facile à cerner. Hein? L'intuition, des fois, va mieux que le cartésien, que l'intellect. Mais là, on peut parler de résurrection. Quand on réincarne des mémoires, comme actuellement, c'est toujours des mémoires astrales, puis quand c'est de l'incarnation, c'est de l'intelligence supramentale. Si on veut évoluer ou on veut que la vie soit plus facile, il faudrait arrêter de ramasser, j'appelle ça de la cochonnerie, là, ce qui est dans l'astral, c'est pas trop ce que t'as. De la cochonnerie dans le sens que tu t'as choisi pas. Ou du moins, choisis-la. Bon, ben, est-ce qu'on peut la choisir? Comment on la choisit? Est-ce qu'on peut la choisir ou on peut empêcher des réincarnations qu'on veut pas? Parce que tu as déjà dit qu'on choisit pas notre futur, mais on peut éliminer des futurs possibles. Bon. Au niveau de la réincarnation, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois types de réincarnation que l'humain peut vivre actuellement. La première, c'est la réincarnation des mémoires du passé. La deuxième, c'est la réincarnation des mémoires du présent. La troisième, c'est la réincarnation des mémoires de l'avenir. Dans les mémoires du présent, ce qui est intéressant d'observer, quand je parle présent, disons, de cette vie-ci, on peut réincarner, et c'est ce qui arrive aussi, on réincarne nos parents. C'est-à-dire que ton père a 30 ans, s'incarne chez toi présentement qui a 30 ans. Même si ton père a 50 ans présentement, les mémoires de ton père à 30 ans ne peuvent pas habiter dans un corps d'un père à 50 ans et progressivement, elle t'incarne. Et ce qui arrive pour tout le monde, c'est pour ça que progressivement, vous ressemblez de plus en plus à vos parents. Ça va avoir des goûts des parents rendus à certains âges, à leurs âges. Ça va avoir des réactions de leurs parents, des expressions des parents ou des grands-parents, mais au niveau de certains âges, parce qu'on les réincarne. Mais en plus, on peut réincarner, et ça, c'est un processus intéressant, où progressivement, l'humain qui arrive à une certaine forme de conscience, de lucidité, de manifestation, c'est-à-dire du contrôle du mental sur le corps physique, il a la capacité de bloquer le processus de vieillissement corporel, et il a même la capacité de commencer à entreprendre un processus de rajeunissement. Le processus de rajeunissement va se faire surtout au niveau de la conscience, pour commencer, mais on ne parle pas d'un adulte, disons, qui se dit vieillard ou vieillarde, et qui dit en même temps, « Moi, j'ai un cœur jeune, je suis vieux de corps, mais je suis jeune de cœur. » Les jeunes de cœur ne disent jamais ça, qu'ils sont jeunes de cœur. Ils ont d'autres choses à faire. Ils l'expriment, ils ne le disent pas, ils ne s'en vantent pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, les individus vont commencer à réincarner ce qu'ils ont été, eux, dans cette vie-ci, lorsqu'ils ont été jeunes. Moi, par exemple, je commence à réincarner ce que j'étais dans la vingtaine. Et à un moment donné, je commence à réincarner ce que j'étais un peu avant. Et je commence à réincarner. Donc, je commence à rajeunir dans ma conscience. C'est-à-dire que, et c'est ce qui est extraordinairement important à comprendre, c'est qu'on ne devient plus un adulte, on fuit l'adulte, donc on digère les mémoires qui nous ont vampirisé à notre adolescence, on bannit totalement la mécanique réelle de l'adulte, donc finalement on ne sera plus un adulte. Mais en même temps, on ne sera pas tout à fait l'enfant que nous avons été, nous allons devenir un enfant qui a de l'expérience. Et ça, c'est neuf du point de vue de la vision, neuf aussi du point de vue de la possibilité collective. Il y a toujours eu des personnes qui ont réussi à faire cela. Mais si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Mais à un moment donné, justement, on sera la jeunesse qui sait. C'est-à-dire qu'on aura le même pétillement que le jeune ou la jeune, alors on ne fera pas la vaisselle chez nous comme un adulte. Mais un enfant ne la fera pas. Mais un enfant expérimenté la fera, il comprendra. Mais il ne la fera pas comme un adulte. Il n'aura pas travaillé comme un adulte. Il réapprendra à rire, il réapprendra à jouer, il réapprendra à avoir du plaisir, à ne pas s'inquiéter inutilement pour un paquet de choses, mais il déposera quand même de l'argent en banque. Il aura de l'expérience, il restera une conscience d'enfant. On peut se réincarner soi-même dans cette vie-ci de ce que nous avons été, plutôt que de le laisser à nos enfants, qui sont eux-mêmes capables de faire leur propre structure ou de laisser planer ça dans le monde de la mort, pour que d'autres jeunes l'absorbent à un moment donné. Alors, on peut, il y a donc trois types de réincarnation, celle du passé, qui est collective et pluralitaire. On peut réincarner dans le présent. Je peux réincarner des individus que je rencontre. René Lévesque, lorsqu'il est décédé, les Québécois l'ont absorbé. Donc, nécessairement, ça leur redonnait un coup de pouce un peu à l'idée de séparationnisme ou de souveraineté association. Très peu, mais juste un peu. Des fois, c'est ça qui manque. Et on peut réincarner des mémoires de l'avenir, c'est-à-dire qu'on utopise. Comment tu fais pour réincarner des mémoires de ta vie actuelle, de ta jeunesse? Tu dois obliger ton corps physique à avoir des réactions typiques de ce que c'est que tu étais lorsque tu étais un peu plus jeune. Je parle des asthmatiques de temps en temps et je leur explique que plus tu joues à l'asthme, plus tu réincarnes des mémoires d'asthmatique. Assez qu'à un moment donné, tu seras de plus en plus pire comme asthmatique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La personne, elle commence à sciler. Elle a un bronchospasme et elle commence à... Bon, il y a du bruit. Bon. Alors, ce que je lui explique, c'est contrôle ton système respiratoire. Écoute, quand tu respires avec la cage thoracique, ça fait du bruit. Parfait. Respire plus que la cage thoracique, respire avec les muscles abdominaux. Technique respiration consciente. Si l'individu commence à le faire par les muscles abdominaux, tout ce que je lui dis quand c'est des jeunes, c'est respire par le ventre, puis fais pas de bruit. Il essaye, il n'y a plus de bruit. Bon, quand ça commence à sciller, tu vas nécessairement attirer des mémoires d'asthmatique. Si tu respires sans faire de bruit, ils ne peuvent pas venir. Alors, à un moment donné, tu viens de courir, tu t'accotes les mains sur les genoux, puis tu prends ton inspiration. Tu ne sciles pas encore. Les asthmatiques se tiennent comme ça. Tu viens de courir, mais mets pas tes mains là. Prends pas l'onde de forme des asthmatiques. Bon. Il y a un paquet de choses, et tous les enfants, assez qu'on pourrait, c'est facile de constater, pourquoi tous ceux qui vivent de la même maladie ont finalement les mêmes symptômes psychologiques, les mêmes habitudes physiques, etc., etc. Il y a une nuance. Pourquoi? C'est simplement parce qu'il y a un égrégore, une forme, qui est réincarnée et qui vient maintenant manipuler progressivement l'individu. Il va dire, dans ma conscience, j'ai pas changé. Non, mais tu t'habitues à maudire ta maladie, et progressivement, tu deviens le stéréotype parfait du malade. Donc, on réincarne dans notre vivant en faisant des gestuelles particulières. Ça, c'est l'onde de forme que tu étais. L'onde de forme. Ça veut dire qu'à un moment donné, marcher comme une personne plus jeune. Mais en réalité, marcher comme vous marchiez un peu avant. Oh, mais j'ai pas le corps physique pour. Il va revenir comme ça. C'est comme avant, je courais souvent, comme ça, par plaisir. C'est pas parce que j'étais pressé. Ah, maintenant, je suis trop âgé. Oui, mais remets-toi en forme. Donc, tu recommences simplement, tu te remets en forme. Mais progressivement. La problématique, c'est que les égos, où ils sont souvent embêtés, imaginez, vous avez fait du conditionnement physique pendant 10 ans, vous avez arrêté pendant un an, alors on vous dit « recommencez ». La personne, elle se dit « ah, je ne peux pas recommencer, moi si je recommence, je recommence ça trop vite ». Mais recommence donc comme tu as commencé il y a 10 ans. La personne, elle recommence comme elle veut en un mois être comme elle était il y a un an, comme elle était après 10 ans. Il y en a qui ont fait des arts martiaux, j'ai enseigné assez longtemps pour me rendre compte, quand les gens revenaient, mais là, il fallait toujours leur dire « Christy, tu te bats trop fort, ralentis un peu, t'en fais trop ». Oui, mais il me semble que je passe assez vite. Écoute bien, prends le temps. Les égos, c'est ça que ça fait. Pour retrouver, pour réincarner ce que tu étais, c'est toujours la même chose. On veut tout faire en même temps. On doit prendre son temps. Ça vous a pris 30 ans, 40 ans d'arriver là. Ça va vous en prendre peut-être, mettons que tu as 40 ans, ça va t'en prendre peut-être 20 pour retrouver 20 ans. Mais non, l'humain va faire ça en un mois et demi, sinon ça ne marche pas. Oui, mais dans 20 ans, tu vas aller chercher 60 ans. Puis dans 20 ans, tu vas aller chercher 80 ans. Puis dans 20 ans, 100 années. Alors, tant qu'à passer 20 ans pour aller chercher 60 ans, prenons 20 ans pour aller chercher 20 ans. C'est logique. Ou 60 ans pour aller chercher 40 ans, ça se fait. Est-ce que c'est plus efficace de réincarner notre vie ou notre jeunesse? C'est la meilleure chose à faire. Ou d'arrêter de réincarner totalement? On doit réincarner ce que... Il faut faire attention, c'est qu'on ne réincarne pas la manipulation que nous avons vécue. On réincarne la capacité que nous avions étant jeunes d'accepter les choses neuves dans la vie. On réincarne la capacité qu'on avait peut-être de changer d'emploi plus qu'une fois, alors que rendu à un certain âge, on ne peut plus. On réincarne la capacité qu'on avait de déménager souvent, Alors que plus âgé, on ne peut plus. Ça pas juste financièrement, ça ne veut pas dire qu'il faut déménager ou changer d'emploi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une facilité, lorsqu'on est plus jeune dans sa conscience, à bouger avec la vie, à jouer, à essayer de nouvelles choses, on est moins craintif. Et là, souvent, les personnes qui sont cristallisées dans leur expérience d'adulte vont dire « Oh ouais, c'est sûr, tu sais, là, t'es fou et t'es fofolle un peu, là, c'est parce que t'es jeune. Mais tu vois, à un moment donné, tu vas commencer à être sage. Attends de voir avec la vie. » Mais tu sais, la sagesse, c'est souvent là, une grosse nuance. Alors, l'humain doit faire attention à cela. Et quand je parle de retourner un petit peu en arrière, c'est-à-dire on peut même se réincarner soi-même, c'est ça. Comment on fait? On adopte des attitudes, des ondes de forme. Ça veut dire qu'on n'attend pas d'avoir 95 ans pour découvrir qu'on devrait peut-être plus s'habiller comme en l'an 1922. Mais là, la personne, elle va dire, ah, « OK, je vais m'habiller comme les jeunes s'habillent aujourd'hui. » On te voit aller, puis on te trouve ridicule. Mais il y a d'autres personnes qui auront peut-être un visuel corporel comme le tien, qui seront habillées dans la même mode que toi, que tu as l'air ridicule, puis eux, ça va passer. Eux le portent. Prenez l'exemple d'une personne qui décide de jouer à l'homme d'affaires ou à la femme d'affaires, puis subitement, elle se met un veston, arrive avec une cravate, un veston, un paquet d'affaires. On a l'impression qu'elle est déguisée. Bon, pourquoi elle est déguisée? Parce qu'elle ne peut pas, dans sa conscience, dans son attitude, elle n'exprime pas au niveau endoformique, au niveau de l'onde de forme, ce que l'onde de forme essaie de lui donner. L'habit ne fait pas le moine, sauf chez les moines. Donc, l'individu qui, à un moment donné, commence à réincarner ce qu'il a été, il doit y aller au niveau de l'onde de forme, endoformiquement, progressivement, en fonction de ce qu'il sent et aussi de ce qu'il veut aller chercher. On va, il va mollo. Est-ce qu'il y a une capacité globale de réincarnation? C'est-à-dire que si tu t'occupes à réincarner ce que tu étais, est-ce que ça empêche les autres réincarnations d'arriver parce qu'on est capable d'en accaparer ou d'en digérer seulement une certaine quantité énergétique? Non. Par contre, ce qui va arriver, c'est que plus vous allez réincarner des choses qui vont vous enligner vers ce que votre intelligence va vous amener, par exemple, vous voulez être un être humain pacifique, donc c'est vers la paix que vous l'allez. Plus on réincarnera des mémoires de ce que nous étions jeunes quand on aimait avoir la paix, plus on va réincarner dans le monde de la mort des personnalités qui, elles aussi, cherchent la paix. Et tout ce que ça va donner, c'est qu'on aura juste plus d'énergie pour aller vers la paix. Mais ce que l'on doit faire, c'est que consciemment, notre conscience doit digérer ces choses-là. Digérer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne devez pas devenir influencé par autre chose. Je donne un exemple. Vous venez ici ce soir, certains viennent peut-être pour la première fois. On ne doit pas partir après en ayant été totalement influencé par ce que je dis. Si on est influencé, on doit observer si c'est parce que je dis des choses que vous avez toujours pensées, ou je dis des choses qui finalement viennent éclater ou viennent aboutir des choses qu'on avait déjà pensées. Alors, je ne vous ai pas influencé, on s'est synergisé. Si on va, par exemple, dans une secte, « Oh, mais moi, je ne vais pas dans une secte, genre, il t'arrange, puis il t'accroche tout le temps, tu sais, tu t'en rends pas compte. » Ça, c'est l'humain qui reste collectif. Si on est, on doit digérer. Donc, je vais chez les Krishna, et quand je sors de là, je me dis, telle chose qu'ils ont dit, là, c'est vrai en tabarouette, on devrait appliquer ça dans notre vie. Mais je ne rentre pas dans les Krishna, moi, là, ça n'a rien à voir. C'est ça qui est la nuance. Je ne rentre pas dans aucune des deux façons, ni à coup de hache, ni dans leur secte. C'est pas nécessaire. Je peux même y aller régulièrement. Je n'ai pas besoin d'entrer à l'intérieur parce que je suis totalement en affinité avec ce que je suis en affinité. Je suis déjà Krishna quand vous dites ça. Mais je ne suis pas Krishna quand vous dites ça. C'est bien simple. Je suis catholique quand vous dites ceci. Je ne suis pas catholique quand vous faites les croisades. Et c'est extrêmement simple. Et l'humain qui progressivement apprend à digérer, c'est un humain qui apprend à faire confiance à ce qu'il est, donc à se supporter. Il n'est pas là en train de se dire, « Ouais, mais qui dit que j'ai raison? » Rien. Oh, mais il y en a 2000 là, qui disent que j'ai tort. Qui dit qu'ils ont raison? Rien. Même chose. C'est pas à cause qu'ils ont une gang qui ont tort, qui ont raison. Alors, l'humain devrait se fier à ce qu'il est, puis nécessairement, il va digérer. Vu qu'il va digérer, il va digérer tout ce qu'il va réincarner. Digérer ce qu'il réincarne, il se sert de son intelligence pour contrôler. C'est-à-dire, puis quand je parle de contrôler, c'est pas de s'asseoir tous les soirs, méditer pour contrôler. Les choses se font comme la digestion corporelle. Soyez en santé, vous allez bien digérer. Alors, comment contrôler la digestion? C'est essayer d'être énervé, mais c'est le stress. Mais ça n'a rien à voir à, ça a tout à voir à. C'est très facile l'évolution, c'est pas une question. Là, comme là on parle, on communique de l'énergie, ça l'aide. Mais c'est, comme moi, je ne m'en vais pas chez moi le soir en me disant tout bichant, est-ce que je mets le pied à bonne place, est-ce que je mets une fille, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Tu sais, je m'en vais, puis tout se fait. Puis moi, ben je m'amuse à la place. C'est plus fun de s'amuser. On fait une pause, vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez, et puis Charles va les poser. Tantôt.